R.I.G. Oh, la marche, c'est vachement plus ordonné que nous. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Alors, comment est-ce que vous allez, les amis? La saga des Fab Four numéro 252. J'espère que vous allez bien. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour découvrir un album que tout le monde attend ici. Et quand je dis tout le monde, je dis bien qu'il nous a tous pris par surprise. On s'attendait à un album de Ringo Starr en se disant « ça risque d'être pas mal ». C'est mieux que pas mal. Tout le monde s'accorde à dire qu'il est très très bon, que c'est vraiment un excellent album. Donc l'album de la semaine, c'est Postcards from Paradise, qui est sorti il y a très peu de temps, le 31 mars. On en écoutera 6 extraits. J'ai oublié la playlist, alors vous verrez bien au fur et à mesure. Hein. Donc 6 extraits de Postcards from Paradise. Il y aura également... Ah oula, attendez, bougez pas, il va y avoir des soucis là si on fait comme ça. Il y aura du Harrison comme Horse to the Water, il y aura du Paul McCartney comme Bluebird, pour John Lennon ce sera Number 9 Dream, et pour les Beatles on aura un petit truc sympa qui vient du Saturday Night Live de 1976, c'est Here Comes the Sun, chanté par Paul Simon et George Harrison. Pour le reste, vous verrez bien, je suis sûr que tout se passera bien. Vous êtes prêts? On commence. Vous n'oubliez pas, vous allez sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, pour pouvoir discuter avec nous. Et vous allez également sur macaclub.com, dans le groupe La Saga des Fab Four aussi, pour pouvoir aussi discuter avec ceux qui sont là-bas. Je vous rejoins dans quelques secondes. Un tout petit mot également pour ceux qui sont sur le groupe La Saga des Fab Four de Facebook. Le record à battre de la semaine dernière est de 32 téléchargements. Il faut qu'on batte ça. Cette semaine, c'est un superbe album de Ringo Starr. Il faut qu'on monte au-dessus des 32. Je compte sur vous. Allez, vous êtes prêts? Voici le premier titre et c'est personnellement l'un des meilleurs de cet album-là. Je l'ai vraiment en tête et je l'ai eu en tête dès la première chanson. Rory and the Hurricanes, Ringo Starr sur RIG. To London, we were to London town. We didn't do much hanging around. I was with you know who. I played the drums like I always do. C'est pas entraînant, c'est pas bien ce nouveau Ringo Starr. Vraiment, dès la première écoute, eh ben, on a envie de chanter Rory and the Hurricanes. Et si vous allez sur Facebook, vous allez voir Rook, le déchaîné, qui met des pochettes plus vite que moi. Je ne peux lancer des titres, qui a mis plein de pochettes de Ringo Starr à l'époque avec son groupe. Rory and the Hurricanes, c'était avant les Beatles. Et j'aime bien d'ailleurs dans la chanson, il dit « Et après, je suis allé avec, vous savez qui ?» Eh ben oui, avec les Beatles, forcément. Nous sommes en 2000, en l'an 2001, et à l'époque, on attendait impatiemment le nouveau 33 tours, nouveau single, nouveau CD, si vous préférez, de George Harrison. Et c'est Jules Holland qui est arrivé le premier avec, sur son CD, un disque, une chanson de George Harrison qui s'appelait Horse to the Water. On pensait qu'elle serait incluse dans le nouveau George Harrison. Non. Donc il vous faut le CD de Jules Holland pour avoir ce titre-là, et c'est un très bon titre. Horse to the Water, c'est maintenant sur RG. In front. L'album Juice WRLD, Big Rhythm, Big Band, Rhythm and Blues. C'est dur à dire, de 2001. À l'instant, George Harrison, Horse to the Water. C'est la jolie Sam Brown qu'il avait repris en 2002 dans le Concert for George. Ça vaut le coup d'œil et le coup d'oreille surtout, parce qu'elle a, elle a vraiment une superbe voix, Sam Brown. Nous en sommes à la troisième chanson déjà. C'est Paul McCartney, suivra John Lennon. Pour l'instant, Paul McCartney avec Bluebird. C'est tiré de l'album Ben on the Run, mais ça n'est pas la version habituelle. 1, 2, 3, 4. Late at night when the wind is still, I'll come flying through your door. And you know what love is for. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. Touch your lips with a magic kiss and you'll be a bluebird too. And you know what love can do. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. sommes en 1974 sur l'album Walls and Bridges et John Lennon est seul, enfin seul en partie, puisque Yoko Ono lui a demandé de faire ses valises et d'aller faire un tour ailleurs. Il passe son temps à boire et à faire la fête avec ses copains, mais il est bien malheureux quand même. C'est une chanson hypnotique, Number 9 Dream, qui flotte de manière enchanteresse dans l'espace qui sépare le sommeil paisible de l'éveil angoissé. Vous me suivez. Yesterday était venu à Paul dans son sommeil, ou du moins sa mélodie sur laquelle il avait chanté les mots scrambled eggs, œufs bouillés, jusqu'à ce qu'il trouve mieux. Et certaines des chansons de John avaient la même origine. Il n'eut pas à chercher loin la mélodie, puisqu'il se contenta de recycler sa partie de guitare sur la version de Nilsson de Many Rivers to Cross. Il s'éveilla un matin et dit à Mepeng, c'est pour ça que je disais qu'il n'est pas complètement tout seul, puisque Yoko Ono l'avait mis à la porte, tout en le confiant à Mepeng, de façon à ce qu'il ne soit pas seul et qu'il soit un petit peu surveillé. Et donc, il s'éveilla un matin et dit à Mepeng qu'il avait rêvé de deux femmes épelant son nom. Et il avait également entendu l'étrange refrain « Ah, Bawakawa, poussé, poussé ». Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je n'invente rien. C'est comme ça. Le sens de ces mots restait obscur. Mais les deux esprits féminins ne pouvaient être que Mei et Yoko. Lorsque John enregistra la chanson, qui conserva longtemps son titre provisoire So Long, les premiers mots des paroles, Mepeng fut invité à chuchoter John au moment opportun. Il y est également murmuré Hare Krishna George pour saluer le vieux camarade de John avec lequel il venait d'avoir l'une de ses disputes périodiques. La guitare céleste de Jesse Ed Davis est d'ailleurs certainement un hommage conscient au style de George Harrison. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson-là. Et maintenant que nous avons passé en revue Ringo, Paul, George et l'Américain John, nous pouvons passer au stade des Beatles. Et puisqu'on parle des Beatles, on parle obligatoirement de Rook. Oui, Rook tout de suite va mettre sur Facebook la page de Beatles Magazine, puisque quand on parle des Beatles, on parle du Beatles Magazine, le seul groupe sur Facebook, sur Twitter, sur Google et sur d'autres plateformes qui vous assure 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des vidéos et 12 mois par an, voire plus si affinité, tout ce qu'il y a à savoir sur John, Paul, Ringo, George, sur les amis de ces gens-là, sur nous les animateurs radio, comme Michael Onorato qui fait Beatles Tonight le lundi soir à 22h aux États-Unis, à 4h du matin pour les leftos le mardi matin. J'y étais là cette semaine, là j'étais présent pendant son émission Beatles Tonight. Vous allez voir tous les renseignements sur Beatles Magazine. Et également Kyle, qui a fait son émission de radio cet après-midi sur Ignite Radio au Canada. Et lui, ça s'appelle Beatles Mania One. Voilà. Entre autres, il y en a plein d'autres. Il y en a même un au Japon, j'ai essayé d'écouter. C'est assez rigolo parce qu'on entend du japonais, forcément, que je ne comprends pas du tout. Et de temps en temps vient, par exemple, Edward Belong. Là je comprends, mais c'est le titre du morceau qu'on va écouter, mais c'est assez drôle de ne rien comprendre jusqu'au moment où ça parle un petit peu anglais. Voilà, voici donc les Beatles sur RIG et merci Lovely Rita et Beatles Tonight, et cette chanson qui date de 1976, c'est Paul Simon et George Harrison qui reprennent la chanson. Voici Here Comes the Sun sur RIG. Sun, I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, I say, it's all right. Little darling, the smiles returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun, I say, but it's all right. Sun, here it comes. sun, sun, here it comes. Sun, sun, sun, here it comes. Sun, sun, sun, here it comes. Ooh. Little darling, I feel the ice is slowly melting. Little darling, it seems like years since it's been clear. Here comes the sun. Here comes the sun, I say, it's all right. Here comes the sun, doo-doo-doo. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right. C'était au Saturday Night Live, si mes souvenirs sont bons. Et il avait rechanté une autre chanson, c'est Homeward Bound également. Je la, vous la passerai probablement une autre fois, mais ce sera, sera difficile à caser là dans la saga des Fab Four. Quoique, c'est moi le patron, je fais comme je veux. Revoici l'album de la semaine, ce très bon album qui s'appelle Postcards from Paradise. Et le nouveau morceau, c'est You Bring the Party Down. Écoutez fort, c'est vraiment très très bon. 2015. Le nouvel album de Ringo Starr s'appelle Postcards from Paradise et je vous conseille de l'acheter. Il est vraiment très très bon. Nous revenons en arrière jusqu'à l'année 1966 et l'album Revolver. La première version des paroles de John pour Amandly Sleeping furent griffonnées sur le dos d'une lettre de rappel des postes et des télécommunications britanniques datée du 25 mars 66, lui réclamant le paiement d'une facture de radio-téléphone d'un montant de 12 livres et 3 shillings. C'est important. Il est évident à la lecture de cette version que John parlait des joies du fait de rester au lit et non pas des rêves induits par des substances hallucinogènes qu'évoque l'enregistrement final avec ses effets de guitare à l'envers. John adorait son lit. Quand il ne dormait pas, il s'y allongeait ou il s'y asseyait en s'adossant sur une confortable pile d'oreillers pour écrire ou regarder la télévision. Amandly Sleeping célèbre le lit et sa valeur en tant qu'endroit privilégié pour la contemplation. Elle préfigure également la chanson Watching the Wheels sur l'album Double Fantasy en 1980. Mais Amandly Sleeping rappelle aussi que John perdait son ascendant sur les Beatles, passant la plus grande partie de son temps au lit ou à traînasser à Kenwood. C'était Paul maintenant qui le poussait à la roue et s'assurait que tout le monde serait en studio pour les séances d'enregistrement. Physiquement paresseux, dit-il, je n'ai pas réellement besoin d'écrire ou de lire ou de parler ou de regarder quoi que ce soit. Et le sexe est la seule activité physique qui m'intéresse encore. Il avait bien du bol, John Lennon. Mais par contre, je ferai un petit commentaire au sujet de cette soi-disant paresse. Lorsque vous savez que les Beatles sortaient 2-33 tours par an, plus des 45 tours, plus des films à l'occasion quand il faisait, plus des concerts, rassurez-vous, il ne devait pas passer énormément de temps dans son lit parce que 24 heures, c'est pour tout le monde, même pour les Beatles. Voici I'm Only Sleeping sur RIG. I don't care. Propre aux Beatles, hein, mais c'est assez marrant de voir que les artistes essaient une version, puis une autre, jusqu'à ce qu'ils trouvent celle qui vraiment leur convient tout à fait. J'aime bien, c'est la version des anthologies, forcément, de Can't Buy Me Love, et c'est proposé dans la saga des Fab Four, numéro 252, sur RIG 90.7, pour tous ceux qui écoutent sur Bordeaux ou dans la région, et pour les Bordelais, et également le reste du monde. Ça me fait penser à Minus et Cortex. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais devenir le maître du monde. Enfin, donc, pour le reste du monde. Et bien, c'est, je m'amuse tout seul, hein, vous inquiétez pas. C'est www.rigfm.fr. Voici. Oh, allez, c'est mon chouchou. Je vous laisse deviner. Merci Paul McCartney. Un jour je serai joué de la guitare, j'aurai peut-être 70 ans et un jour je ferai junk comme ça parce que j'aime beaucoup et puis c'est sympa. C'était en 1991 sur une idée de MTV. McCartney avait été l'un des premiers à être invité à ce show-là dans lequel on vous demande de tout débrancher. Ça s'appelle Unplugged, j'y peux rien, c'est comme ça. C'est-à-dire où vous faites vos chansons, par contre il n'y a rien d'électrique. Enfin à peine quoi, en tout cas. C'est à la guitare sèche, c'est à la batterie légère, etc. etc. Et c'était plutôt très très très très sympa ce junk là. Allez, il paraît que la semaine dernière, Joël voulait que je lui passe I'm Down. Et puis, ben j'ai pas dû voir le message. Et moi, quand je vois pas le message, je corrige la semaine suivante. Voici I'm Down, les Beatles, Rock and Roll sur RG. Hello, this is Michael Honorato with the Beatles tonight, and I'm listening to La Saga de Fab 4 with Terry Gale from New Jersey here in the USA. Keep rocking, Terry. Rock'n'Roll Side of Paul McCartney. Hey lovely Rita. C'était de les Beatles, forcément. Et puis Joël sur Facebook a mis avec intelligence cette photo de John Lennon. Vous savez que le coude sur le piano, il était hilar, il s'amusait à faire enfin d'avant en arrière, etc. Ça donne un truc sympa au niveau visuel. Et puis lui, il était mort de rire. Alors, on revient à l'album de la semaine avec, oui, une de mes chansons préférées. Pour l'instant, je vous ai dit, les trois premières chansons sont mes préférées. Et bien, ça en fait une de plus. Voici Postcards from Paradise sur RG, et que c'est l'album du même nom, Ringo Starr. Procurez-vous cet album, il est vraiment, vraiment, vraiment très très bon. I search here, there and everywhere, until I saw you standing there. I am the greatest fan of you. Is all I've gotta do. It's all too much, my little child. If you would be my honey pie, 8 days a week you will be mine. And yet here comes the sun. And I ain't going nowhere, man, because I want to hold your hand. It's like I said the night before, I love you when I'm 64. Du paradis. C'était le nouveau Ringo Starr que je vous conseille absolument d'acheter parce qu'il est vraiment très très très bon. Pour la chanson suivante, nous allons revenir en 1972. Au départ, Paul McCartney sort une chanson, c'est assez rare qu'il fasse des chansons politiques, qui s'appelle Give Ireland Back to the Irish, donc redonner l'Irlande aux Irlandais. Et cette chanson est interdite à la BBC et ça met un petit peu Paul McCartney en colère, qui lorsqu'il est en colère réagit de manière assez marrante. Ah, vous n'avez pas aimé ma chanson politique, alors en voici une que vous allez aimer. Et il nous sort juste après un autre 45 tours qui s'appelle Mary had a little lamb, et c'est vraiment un truc cool, une petite blouette complètement différente, pas rock'n'roll du tout, mais très sympa. La voici, c'est c'est le single Mary had a little lamb que je vous propose d'écouter. qui est intéressant avec Internet, c'est que vous pouvez réagir quand moi je dis des bêtises, mais moi également, lorsque l'un d'entre vous a mal compris, je peux réagir. Lorsque Jean-Philippe sur Facebook marque « Cette chanson est politique » en parlant de Mary had a little lamb, ah oui, et quel en est le sujet ? Non, non, j'ai dit « Réécoute le podcast plus tard, demain ». Tu verras que j'ai dit « La chanson précédente, Give Ireland Back to the Irish », était une chanson politique. Elle a été interdite à la BBC. Et du coup, pour se venger, entre guillemets, il a fait cette chanson-là, qui est une blouette comme on en fait rarement. Un petit truc pour gamin. Donc voilà, cette chanson, Mary had a little lamb, n'est évidemment pas du tout politique. Voilà. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Animateur radio, un homme et les Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur.

you miss the big time, boy? You're no longer on the ball. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. I really love to watch them roll. No longer riding on the merry-go-round. Lost in confusion. Well, I tell them there's no problem, only solutions. Well, they shake their heads and they look at me as if I've lost my mind. Tous d'accord pour dire que pour son... Ah, ça suffit. Ça, c'est Yoko qui parle, donc j'ai pas envie de l'entendre. Vous êtes tous d'accord donc pour dire que sur son dernier album, eh bien, John Lennon a fait de très très très belles chansons. Moi, j'ajoute que celles de Yoko sont à jeter à la poubelle, mais ça n'est que mon avis. Vous savez très bien que je n'aime pas l'artiste soi-disant Yoko Ono, mais que je n'ai absolument rien contre la femme qui a aimé John Lennon. Et l'inverse, que le fait que John Lennon ait aimé Yoko Ono, ça ne me pose aucun problème. Et surtout, sur le fait que ça les a bien aider les uns et les autres à tenir le cap et à franchir quelques années comme ça, surtout que John Lennon a vécu, pour vos gamins, 40 ans. C'est un gamin à 40 ans, je dis ça parce que je m'en rappelle. Allez, voici Ringo Starr avec un petit bonjour pour ma fille, le ting que vous avez entendu, c'est elle qui vient de m'envoyer un message en disant « Papa, je suis en train de t'écouter, seulement l'embêtant c'est que ça s'entend à l'antenne. C'est pas grave. Salut Eden, et puis sois sage, tu vas dormir bientôt. Voici pour toi Ringo Starr, je pense que tout le monde va te dire bonjour. Ringo Starr sur l'album Postcards from Paradise, voici la chanson Bridges sur RIG. Down every road we come. to bridges. Crossing bridges is the best way to grow. Down every road you come to bridges. Crossing bridges is the best way to go. Est-ce que je vous ai dit que l'album de Ringo Starr est sorti et qu'il faut l'acheter? Oui, je vous l'ai dit. Ben, je vous le redis parce qu'il est vraiment très très bon. Écoutez, est-ce qu'il y a pour l'instant une mauvaise chanson? Non. Ben non, il n'y en a pas de mauvaise chanson. Donc, ben voilà, c'est superbe et c'est l'album de la semaine de cette 252e saga des Fab Four. Je vous propose la chanson, la cover, vous savez, celle qui est une chanson, ça peut être vous qui reprenez une chanson de John, Paul, Ringo ou George ou des Beatles, ou alors les Beatles eux-mêmes qui ont repris par exemple une chanson de Chuck Berry et on écoute l'original à ce moment-là. Et là, cette fois-ci, eh bien, nous allons nous retourner vers les Everly Brothers qui nous chantent Bye Bye Love. Et juste après, il y aura la version légèrement différente de George Harrison sur l'album Dark Horse. Et c'est sur RIG et c'est dans la saga des Fab Four. Mais oui. I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye my love, goodbye. There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am blue. George Harrison veut reprendre cette chanson, mais demande pour son album de l'autorisation de modifier quelques paroles. C'est ce qu'il fait, et voici sa version de Bye Bye Love. C'est différent. Bye C'est vrai que je la passe rarement cette chanson-là parce que c'est pas une de mes préférées de George Harrison. Ce n'est pas non plus mon album préféré, même si sur cet album, il y a aussi, et comme toujours, chez les Fab Four, de belles chansons. Nous allons reculer d'une année. Nous étions en 1974 avec Bye Bye Love. Nous arrivons en 73, forcément. La face B de Helen Wills de Paul McCartney. La face B, c'est Country Dreamer sur RIG. Would you like to do it too?

disaster. Something's gotta change. You're only moving faster, almost out of range. Head first in a bad direction, till you got no place left to go. No, no, no. You're on the right side, off the wrong side of the road. Somebody already told me, oh, just what I'm telling you. I've learned, ask anybody who knows me. I believe you can do it too. Cette chanson, l'album entier d'ailleurs est très très bien. Je pense que vos avis vont tous être les mêmes. C'est un bon, un très bon Ringo Starr. Je pense qu'il n'avait pas fait. Enfin, la dernière fois que j'avais été aussi surpris, autant surpris par Ringo Starr, c'était lorsqu'il avait chanté. C'était Ringo Rama, il me semble. Eye to Eye, il me semble que ça fait partie de Ringo Rama. J'avais adoré dès le début. Je m'étais dit, une chanson que j'aime dès le début de Ringo, c'est absolument impeccable. Allez, on se dépêche. On se dépêche. Achetez-vous cet album, Postcards from Paradise. Il est vraiment très bon. Voici George Harrison en 2002 sur l'album Brainwashed, Never Get Over You, avec un petit cadeau après derrière. Yeah. une partie de ce Down to the River de George Harrison qui ressemble à Rocking Chair in Hawaii que vous retrouvez sur l'album Brainwashed. Une partie, oui, oui. Mais voilà, c'est comme ça. Allez, vous êtes bien sur RG 90.7, c'est la radio des Beatles, la radio de George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr et John Lennon. Voici les Beatles ensemble sur RG. Let's go. Lucy in the Sky with Diamonds. Contrairement à ce que certains ont pensé, ça n'était pas une question de LSD. C'était Julian qui avait apporté un dessin avec Lucy dans le ciel avec des diamants. With tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. By a fountain where rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Sur la page Facebook, Marc, alors LSD ou pas LSD, Lucy in the Sky with Diamonds? Eh bien non, pas LSD, je répète, c'est Julian qui a ramené de l'école un dessin et lorsque son père lui a demandé ce que c'était, il a dit simplement c'est Lucy dans le ciel avec des diamants. Et à partir de là, son père est parti dans le délire, vous savez, de Lewis Carroll, etc. Mais LSD, c'est un hasard. Lucy dans le ciel avec des diamants, il n'y peut rien, l'auteur. Voilà, c'est comme ça. Et d'ailleurs, un bon anniversaire à Julian Lennon puisqu'il est né aujourd'hui, il y a 52 ans, il a donc un an et deux jours de plus que moi. Et il a vécu un seul moment la semaine dernière. Et donc une grosse pensée pour Julian Lennon, voilà. Baby, she comes out at night, she taking me by surprise, she's my baby. Like gravy, down to the last drop, mopping. She's my baby. in morning time when the sleep is in her eyes. Then the world is waking up, she has arisen. Oh, believe me, I ain't lying. She's a woman. She's a lady at evening tide when the stars are in the skies. That's the time she changes back into a kitten. Oh, believe me, I ain't lying. She my baby, and she comes out at night. She taking me by surprise. She my baby, like gravy down to the last drop. I keep mopping her up, yeah, yeah. She my baby. Well, she's a baby in the morning time when the sleep is in her eyes and the world is waking up. She has arisen. Oh, believe me, I ain't blind. She's a woman. She's the lady of the evening tide when the stars are in the skies. That's the time she changes back into a kitten. Oh, believe me, I ain't lying. She my baby, she comes out at night. Taking me by surprise, yes, baby. Oh, like we made out to the last drop. I keep mopping it up, yeah. She's my baby. Accélère encore de façon à éviter de rendre l'antenne en retard. Voici le dernier extrait de l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Postcards from Paradise. Et je vous invite à aller l'acheter. Je pense que je l'ai dit suffisamment cette soirée parce qu'il est vraiment très très très bon. Et le titre du morceau, c'est Bamboula. On va faire la Bamboula, c'est parti. taking all my breath away. With every little lazy lay, feeling all so genesee. There's no time to hesitate, never early, never late. Let us keep it straight, never separate. It's not to intimate. Engaging the raging that's caging. Saga des Fab Four, c'est sur RIG. Ah, remember this? Why, I must have been 13 when this came out. Or was it 14? Or was it 22? I could have been 12, actually. Tell me so. 1975 sur l'album Rock and Roll, Monsieur John Lennon et Just Because. Lorsque le disque sera réédité, on y rajoutera 1 minute 25 à peu près de Just Because, dans laquelle il dit bonjour à ses trois copains, donc Ringo, Paul et George. Oui, Paul aussi, dès 1975. C'est quand même plutôt très très sympa. Voici, on se dépêche, Hold On sur l'album Plastic Ono Band. Ensuite, il y aura George Harrison et les Beatles. Perverted too. qu'est-ce que j'aime cette chanson. While My Guitar Gently Weeps. Et le maître de l'émission suivante m'a autorisé une dernière chanson. Ce sera What Goes On, les Beatles sur RIG. Merci une fois de plus d'avoir répondu présent pour cette 252e édition de la saga des Fab Four. N'oubliez pas d'ici demain, probablement parce que j'ai encore un petit peu de temps, vous aurez le podcast et nous devons battre 32 téléchargements. Je veux qu'on aille plus loin que ça encore et que de semaine en semaine, ce soit de mieux en mieux. Merci à vous. Parlez-en autour de vous. La saga des Fab Four, c'est uniquement ici sur RIG, www.rigfm.fr. Et merci à tous et à toutes. Je vous laisse sans d'autres de très bonnes mains. Celui qui ne bafouille presque jamais. Celui qui a un doigté d'or, paraît-il. C'est Eric pour Johnny de A à Z. Salut, à bientôt. Ciao.